Votre vie, c'est la poésie qu'il écrit? Ah, on pourrait dire ça à certains égards, oui. Mais on peut avoir le sentiment parfois que la que cette biographie, c'est-à-dire cette au sens de Roger Laporte. Oui, c'est ça. Cette biographie, est, ce n'est effectivement pas moi qui l'écris. Comme s'il y avait deux voies parallèles, mais qui sont qui tiennent à leur parallèle. Mais oui, c'est très très étrange.